À l'occasion du 71e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée, les expositions de livres, de photos, de timbres et de beaux-arts coréens ont eu lieu en Russie, en Indonésie, en Inde, au Pérou et en Afrique du Sud, en présence des personnalités et des habitants. Dans les salles d'exposition se trouvaient exhibées les photos qui montrent les exploits du président Kim Il-sung, du dirigeant Kim Jong-il et du maréchal Kim Jong-un, les œuvres classiques des grands hommes Paek To-san, les livres, les photos et les timbres qui présentent l'aspect de la Corée invincible sous la direction du parti, et les tableaux de peinture qui témoignent de l'intelligence et du talent du peuple coréen.